RVC. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Tu ne peux le canaliser, bébé. Ouais, y'a longtemps que je t'ai piqué, bébé. Ouais, tu ferais mieux de l'avouer, bébé. Non, c'est plus le moment de jouer, bébé. Oh, tu es ma Mona Lisa. Mona Lisa, je t'ai dans la tête, je t'ai dans le viseur. Tu es ma Mona Lisa, suis ton Django. J'ai sans chaud, je suis pas mytho, j'ai les go. T'es celle qu'il me faut, sois ma go. Je suis ton lico, baby, go. J'ai un caractère jaloux. Si on s'est en vous, c'est en moins doudou. Les mêmes discours sans cesse résonnent dans ma tête, c'est le brouillard. Je sais pas si je dois y croire. Habitué au retour, tous ces beaux parleurs qui me tournent autour. Je regarde plus personne, tu me joues des tours. Qu'on voit you, bois quelqu'un, mais avec. Tu es ma Mona Lisa, Mona Lisa, je t'ai dans la tête, je t'ai dans le viseur. Tu es ma Mona Lisa, suis ton Django, bébé Django, ouais. Tu es ma Mona Lisa, je t'ai dans la tête, je t'ai dans le viseur. Tu es ma Mona Lisa, suis ton Django, bébé Django. Arc-en-ciel 96.2, Chantal avec vous jusqu'à 20h. C'est votre émission Groupe Tropical avec le meilleur du zouk et du compas. Du zouk d'aujourd'hui, du zouk d'hier, du compas d'antan, du compas d'aujourd'hui aussi avec beaucoup de nouveautés ce soir. Justement, voilà une. La demoiselle s'appelle Colette, Colette Gaz, tout de suite sur le 96.2 et c'est chaud, Lely. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical sur Arc-en-ciel. Faire de moi sa choudade, contempler le terrain tout ça toute la nuit, faire tourner mon corps comme une aiguille. Il agit comme s'il voulait qu'il y ait tsunami. Il voulait faire de moi sa choudade, agir en mari et pas comme mon ami. Moi je l'ai recalé comme si c'était pas permis. Aujourd'hui je me retrouve à craquer pour lui. Tout nos eyes contact, j'ai négligé, par envie de me voiler la face. Par expérience, je n'ai pas voulu boire la tâche, j'ai préféré m'éloigner avant qu'ils prennent en otage. C'est trop chelou, le bouc est parfait. Je trouve qu'un homme est mal parfait. Quand on soigne, il n'est jamais dans l'excès. Mais j'avoue que son minimum m'excite. Il voulait faire de moi sa choudadi. Faire des bébés, tout ça, toute la vie. Faire tourner mon corps comme une nuit. Il agit comme s'il voulait qu'il y ait tsunami. Il voulait faire de moi sa choudadi. Agir en mari et pas comme mon ami. Moi je l'ai recalé comme si c'était pas permis. Aujourd'hui je me retrouve à craquer pour lui. Allô, allô, allô. Y'a Dodo qui me pointait. Donne-moi deux minutes pour qu'on bascule la balle en FaceTime. J'ai tenté blabla et tout était ménique. J'ai le début de l'histoire, apparemment t'as la suite donc. Allô, allô, allô. Mais le bouc est sur le thème. Parano. Je vais vivre

Arc-en-Ciel 96.2, extrait du tout dernier album de Saint-Clan avec ce titre à jamais. Un extrait qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, c'était l'année dernière. En tout cas, à jamais, un titre qu'on connaît bien de Mehdi Custos. Il était accompagné cette fois-ci de Mademoiselle Rochelle. 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne pour votre émission Groupe Tropical. À suivre sur le 96.2 dans notre émission Zouk Compal, le titre interprété par Fatima Alieri accompagnée de Figaros. Après, tout de suite après, un petit retour en arrière avec Fabrice Servier. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Sans validation, potentiel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Faire sous vêtements tout clair défiler, bébé, ou qu'on aimerait mettre ça. Gentil qu'aime pas d'effort à chaque fois, ou faire ça. Au fil où ses ailes s'envolent, baby, moi senti coller. Ou qu'on nous en pour faire ma, maquée pas en place. Ou faire me danser sous point de pied, des pour toucher t'y patia. Fait Jackie Chan, place Kata, aïe aïe aïe. C'est premier fois au monde faire ça. Dans bouche mais pas j'aime qu'un coup ça. Parti n'arrive si m'y a tout divise. Si chaque jour m'a des biblis, m'a des biblis. C'est bloc ou mettre femme la loi. Ou mettre à l'extrême minotème. Ou mettre femme même en prison. Et belle criole pile d'âge. Belle tibaye pas une tâche. Ou bien en l'air ou bien en bas. Ou y a un queen l'antifa. Ou l'y met mèche ou n'a tête mais. Mes désistances ou tout en mais. Ou fait j'ai des poules levées sous moi. Chaque fois où toucher, dis comme moi. Ou faire l'autre pas gagner pour moi. Tellement moi baigné dans miel. Oh, j'ai ouvert mon amour dans mer. Assoyez à m'cal, bal, bal. Fanatique que bonne la main, campé sous fanatik yon bol nan men. Gen sak se vante yo di we pa we yon pouble. Votre émission Groove Tropical, à l'aise comme glaise, l'outil tête cabri. Allez, on va s'en mettre encore un petit peu, hein, vous voulez bien, hein. Compas d'enfant, moi j'adore. Bon, ma chaise a plus de roulette. Allez, 18h-20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne, écoutez ça. Je vous ai dit, c'est pas fini. Allez, très très bonne soirée en ma compagnie. Yes, c'est ça, oui. Que ça nous mandé. Night fever. Ouais, madame, s'il vous plaît, crier une fois pour moi. Yes, c'est ça, nous voulons. Night fever. Et maintenant, tout le monde. You wanna get funky. You wanna get funky with me. With the Kazi. All the good people in the house. Night fever, night fever. I swear, oh, oh, oh. Karel arrive dans yon belle soirée. Tout le monde décontracté, musique la mixée, alcool la volonté. Mesdames, yon tellement chauffé, yon fait tout monsieur y'a transpiré. Night fever, night fever. C'est pas un temps pour réfléchir, pour satisfaire toute envie. Si vous voulez que bon souvenir, avant de l'en finir, faut que vous faites toute folie. Chaque soir, C'est un poids que tu traînes encore au fond de toi. Pourquoi tu forces? Pourquoi tu restes? Tu vois que tu souffres et malgré tout, tu es toujours là. Pourquoi tu forces? Là. Tu joues un rôle dans cette relation, ça se voit. Chaque pas t'éloigne de ta paix initiale. Pourquoi tu souris tant alors que tout se brise encore tout au fond de toi? Pourquoi tu penses? Pourquoi tu restes? Une petite nouveauté, le jeune homme, on le connaît bien, c'est un ancien influenceur, non peut-être pas ancien, hein, je pense qu'il y est toujours, Lionel Ringo Nibo, sur le 96.2, le voilà comme artiste avec une superbe chanson qui est sortie il y a seulement quelques jours, c'est Pourquoi tu restes. On a les paroles dans la tête après ça, je peux vous le dire. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Concerné, en vérité, je crois qu'on s'aime bien tout doux. La attention. Mesdames et messieurs, on va faire la chorégraphie maintenant. Préparez-vous. Ça va péter. Ok? Doulou, viens avec moi. Ça va être tranquille. Tout le monde à gauche, tout le monde à droite. D'accord? On bascule de gauche à droite. On y va, tout le monde, ça fait à gauche. À droite. À gauche. À droite. On la refait à gauche. À droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est. Mujer, eres el ángel y el no es musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Quand t'es pas là, tout s'arrête. Notre histoire des fils en fait dans ta tête. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Tout s'arrête, tout s'arrête. Allô, baby, allô. T'es parti avec un bout de moi. Allô, y'a ta photo. Dans mon tête, je ne pense qu'à toi. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Notre histoire des fils en fait dans ta tête. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête, tout s'arrête, tout s'arrête. J'ai trop besoin de te parler, pardonne-moi, je suis troublé. Devant tes charmes, je suis désarmé, je suis piqué, je dois l'avouer. Allô, allô, où es-tu? Allô, allô, allô, allô, que fais-tu? Allô. Je suis troublé, troublé. Devant tes charmes, je suis désarmé. Je suis piqué, je dois l'avouer. Allô, allô, baby, allô, allô. À chaque jeudi, 18h-20h sur Arc-en-Ciel 96.2, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Parenté au courant, il y a Voilà, besoin de vous aider. Levez-vous en l'air. c'est chaud. Le tout dernier bal. Ça se passe comme ça sur un concert chaque jeudi soir. Et oui, l'ambiance. Ambiance ou pas. 18h, 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Ok. Dans notre émission Groupe Tropical, c'était Beijing et Cadillac. Et on va continuer comme ça, sur cette cadence. C'est une nouveauté. La Esme et Mickaël. 18h-20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Après moi demi moi levé. Avant c'était français. Moi j'étais capable. Mais les moi qui vais à Paris. Version NG sur le 96.2 dans votre émission Groupe Tropical. Et un petit clin d'œil à Patrick Athanasi, avec, bah écoute mon grand, hein, il faut lâcher ta compo parce qu'elle est superbe. C'est un grand timide, notre artiste orléanais. h 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Hey, la belle a veut mon cœur et pense que je vais lui donner. Hey, grave dans mon délire, mais t'es mal les abonnés. Et y'a quelque chose qui m'intrigue, madame est venue en 4x4. Et puis on se tourne autour, dans la salle, je la vois en chap-chap. Le genre de meuf fait voir tes DM direct, tes bug-bug. Et d'après ce que m'a dit, sa pote, tu son style de bouc-bouc. Fini de faire le débile, j'ai donné donc je me méfie. Mais elle a plus de charme que celles qui ont un gros boule-boule. Ah, tu paniques, paniques, t'es en panique. C'est ce qui te fait mal à la tête, tu paniques, paniques. Jolie, ouais, mais j'panique. Ouais, j'panique. Ça me fait mal à la tête. C'est vrai que t'es jolie madame, mais t'auras pas mon cœur. C'est pas que je suis un poli madame, mais ta manière de faire fait peur. À tes yeux, je suis la plus belle, j'suis pas un fidèle, sois l'homme de cette jolie madame. À tes yeux, je suis la plus belle, j'suis pas un fidèle, la meilleure de ces jolies madames. Écoutez les gens de Paname, tu crois, mais t'étais pas là, tu remets tout. Tu deviens malade, t'as peur que je te balade ou que je t'oublie dès le lendemain. T'as des doutes, mais moi je suis pas comme ça, baby. Faut que t'écoutes, tu t'as gêné, madame, baby. Tu rends fou, t'es parano. Même si on a dit, faut se méfier qu'on faut doser. Jolie, ouais, mais je panique. Ça me fait mal à la tête, je panique. Ouais, tu paniques, t'es en panique. C'est ce qui te fait mal à la tête, tu paniques. C'est vrai que t'es jolie madame, mais t'auras pas mon cœur. C'est pas que je suis un poli madame, femme et ta manière de faire fait étage. Que t'es jolie madame, mais t'auras pas mon cœur. C'est pas que je suis un poli madame, mais ta manière de faire fait peur. En couleur. En couleur. Carrière, c'est monsieur Jean-Claude Nemro. On lui fait un petit coucou en passant. Un bel hommage aussi de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est belle par le coup encore. Ni larme qui a coulé, ni un petit goût salé. Approchimé l'amour, et chimé à l'épaule. Sous pas contre temps, fait moins troublé, souvent. Innocent qui déjà l'as pour l'amour pacifique. rempli mouman magique. Mon petit caresse passif ou un bisou mystique. Quel moi tout content, ça pas arrivé souvent. Mon film en noir et blanc, moi qui songe longtemps. A ou mérité, a que pas ou, et posez l'amour la mani pas ou qu'on médaille. En vérité, en cet a ou, soldat dévoué, cause et âme, pas prouvé que bon Dieu bon en tout. Rété ou pas passé en coute, man, man rose ou caressé ou douce, man. Belle fleur, belle pétale, rose ou bon. Ça prend soin de yo. C'est les moins que ça prend ta poumye bidine yo. Composé magique, moins que ça vloppe. Même si grand vent fait force, moins que ça protège. Qu'on a belle hortensia qui toujours en danger. En que pour précaution, pour m'empêcher sa manière. Ma que faire jouer la ligne pour rien pas pareil. Ou que toujours y est, même la panique soleil. Why? Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Trois oh, oh, oh, oh. Ouais. Je t'aime à la folie, tout simplement. Un peu beaucoup, peut-être passionnément. Doucement, en tout cas doucement, baby, doucement, oui, très doucement. Mais que manque délicatesse, bon, il fait génie assez, abrité, on va passer l'homme, si t'en as qu'à menacer. Doucement, en tout cas doucement, baby, doucement, pas sans que autrement. Bien qu'il laisse la vie, fait ça y fait, ouais, moi, il n'y avait pas arrivé. Non, non, non, non, non. Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Trois oh, oh, oh, oh. Quatre ouais. Je t'aime à la folie, tout simplement. Oh, la tombée, sur un bois en vrai. Pour longtemps, pour longtemps, pour longtemps. Trois que voler, voler, voler, oh. Que voler, voler, voler, oh. Nous t'es volé, volé, volé, pour voyager. En pétale. J'ai mon bras coulé. Chante. Lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, ou parler les péchés, c'est moi. Arc-en-ciel 96.2, eh bien c'était cher sur le 96.2. Ah oui, ça date, mais en tout cas ça fait un bien fou ce genre de souvenir. Eh bien, il est presque 20h sur la FM tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve jeudi prochain, sans inquiétude. Alors, cette fois-ci, je suis vraiment désolée de ce petit retard de quelques minutes. J'espère que vous avez été quand même fidèles au 87.2. Oui, c'est vrai, j'ai reçu des petits messages. En tout cas, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Profitez-en bien et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Je pourrais mourir pour toi, mais vivre un peu trop loin de toi. Je ne peux pas. Allez pour moi, on sait ça qui te semble, c'est tard. En réalité, posez tes cœurs, moi non. 96.2. La FM en couleur. Mete bem na zona central. Não domina Rodrigo Mora, é do guarda-redes Vigal. Pontapé.